Jean Bosco, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Les pêcheurs de Rumwangi réclament la suppression de la semaine d'interruption d'activité dans le lac Tanganyika, estimant injuste le fait que cette mesure ne concerne que le Burundi alors qu'ils partagent la zone de pêche avec d'autres pays. Un enseignant de la quatrième année de l'école fondamentale Wahira en commune Mourgui de la province Chibitoke abuse de son autorité sur ses écoliers en leur faisant faire des travaux privés pendant les heures de cours. Et l'abattoir de Ruziba en mairie de Bujumbura est toujours sous menace de débordement des eaux de la rivière Mugere, ce qui rend difficile les activités des bouchers. C'est un reportage que vous allez suivre. Voilà pour le sommaire. Le développement de ces titres à présent, chaque 14 novembre, la journée mondiale du diabète est commémorée. C'est l'occasion de sensibiliser à l'impact du diabète sur la santé des personnes et de souligner les possibilités de renforcer la prévention, le diagnostic et le traitement du diabète. Au Burundi, les festivités se sont déroulées en province Muyinga sous le thème « Soins pour tous les diabétiques » et sous le slogan « Éducation pour demain ». Un enseignant de la quatrième année de l'école fondamentale Wahira en commune Mourgui de la province Chibitoke utilise ses écoliers dans le transport des briques pendant les heures de cours. Les collègues d'Obed et Biorimana dénoncent un abus d'autorité sur ses écoliers qu'il exploite dans des affaires privées. Joseph Nyandwi, directeur provincial de l'éducation, a du coup décidé de suspendre Sylvestre Sibomana de ses fonctions de directeur. Il entend se concerter avec le directeur communal de l'éducation pour décider du sort de cet enseignant. Le reportage de Jackson Bahati est lu par Jean-Marie Mayonga. Cette école fondamentale Wahira de la commune Mugui, dont les écoliers de la quatrième année, leur enseignant a donné des travaux de transporter les briques. Certains enseignants disent qu'ils n'ont pas compris les raisons qui lui ont poussé à faire ces travaux en dehors de la loi. Ils signalent qu'ils ont appris ces nouvelles via les réseaux sociaux. Par contre, ils expliquent que des fois, les écoliers font d'autres activités selon les horaires de l'école pendant le cours d'OTPA. Ces enseignants précisent également que leur collègue a commis une faute grave. Nous avons appris cette nouvelle via les réseaux sociaux et nous avons été tous surpris et nous n'avons pas pu savoir comment il a fait cela en absence du directeur. Pourquoi cela? Est-ce qu'il l'a fait à son nom ou c'est lui qui lui appartenait pour ne pas dire que c'est lui qui a fait de sa commande? Pendant les travaux d'OTPA, les enfants font d'autres travaux à l'école suivant l'horaire fixé par l'école, ce qui permet aux enfants de s'habituer à d'autres travaux. Chiza Sylvestre, représentant du comité des parents de l'école, indique que le comité n'a pas été informé de ces travaux afin de prendre ensemble avec la direction une même décision. On n'a pas été informé de ces travaux. Normalement, quand un enseignant organise des travaux, il le signale à la direction et ce dernier l'annonce au comité de l'école afin de prendre une même décision. Le directeur de l'école, de son côté, dans ses justifications, a dit qu'il était absent lors de ses travaux, mais que par après, il a écrit une lettre de demande d'explication à cet enseignant. Au sein de la direction provinciale de l'enseignement dans la province de Chibitoke, Joseph Nyandwi a pris une décision de suspendre de ses fonctions le directeur de cette école. Il a indiqué que ce n'était pas la première fois que de tels travaux sont réalisés à cet établissement. Aucun enseignant ne peut se donner la peine d'envoyer les enfants effectuer des travaux pareils sans avoir communiqué cela au directeur. Si vraiment que le directeur était déjà informé, si les gens disent que ce n'est pas la première fois qu'il aurait déjà fait, mais qu'il n'avait pas encore eu les cours de ces activités que les élèves effectuent. Nous avons déjà pris la décision en attendant du directeur, décision administrative. Il nous reste à nous asseoir avec le conseil communal de l'éducation de Mogui afin de voir ce que nous pouvons faire en attendant des enseignants aussi qui ont agi contre la loi, le règlement scolaire. En attendant d'autres mesures qui seront prises à l'intention de cet enseignant, le directeur provincial de l'enseignement à Chibitoke précise qu'ils vont se mettre ensemble avec la direction communale de l'enseignement pour voir ce qui devrait être fait pour cet enseignant. Jean-Marie Mayonga. Les productions de la radio Isanganiro sont équilibrées malgré un certain nombre de lacunes. Appréciation de l'ancien chef des programmes, Jérôme Niyozima. Au moment où la radio Isanganiro célèbre son 21e anniversaire ce 18 novembre. Pour ce journaliste senior, les journalistes de la radio Isanganiro devraient subir davantage de formation. Il recommande plus de production à l'intérieur du pays, surtout maintenant que la radio Isanganiro s'est dotée d'une télévision. Suivez Jérôme Niyonzima au micro d'Oda Ndayishimiye. Je ne dirais pas que c'est excellent, je ne dirais pas non plus que c'est mal, mais c'est quand même coussi-coussa. Il y a des avancées, c'est vrai, mais il y a aussi des lacunes qui persistent. Je dirais notamment, par exemple, si vous suivez une émission aujourd'hui, à la radio ou à la télévision, Isanganiro, vous sentez que la dimension préparation y est, la dimension documentation préalable y est. Vous sentez que le journaliste s'est préparé, a préparé son thème. Donc, il a lu ce qu'il faut lire, il a posé des questions là où il faut les poser. Bref, il dispose de toutes les informations en rapport avec la thématique qu'il traite. Ça, c'est quand même positif. Mais là où vous trouvez que le bas blesse, c'est au niveau de la conduite de l'émission, par exemple. Vous sentez qu'au niveau de la conduite, le journaliste éprouve des difficultés au niveau de la gestion des intervenants, des difficultés au niveau de la séquence des questions. Mais ce qu'il y a à retenir quand même, avec ces 21 ans, on sent qu'il y a toujours l'équilibre de l'information. Que ce soit au niveau du journal ou au niveau même des émissions, on sent quand même l'intervention des différentes parties prenantes au thème ou à la thématique. Ça, c'est quand même un acquis qui ne retourne pas en arrière. Il faudrait qu'il y ait une sorte d'inventaire ou d'analyse des besoins. Les besoins en formation, par exemple, c'est combien de journalistes qui ont besoin d'être renforcés? C'est sur quelle thématique? C'est dans quel domaine? C'est combien qui peuvent participer à la formation et c'est combien qui peuvent rester à l'œuvre pendant la formation. Il faut renforcer les capacités de travail de terrain. Il faut rechercher l'information qui n'est pas celle de Bujumbura. L'information en province, en commune, en zone, sur la colline même, sans qu'elle passe nécessairement par le téléphone. Il faut y aller maintenant avec la caméra. Vous avez maintenant la télévision. Mais aujourd'hui, l'image y est. Et l'image, figurez-vous, ça va plus loin que le son. Parce que quand vous avez vu, si vous dites, si vous parlez d'un incident, d'une catastrophe naturelle qui s'est produite dans un coin à l'intérieur du pays, si vous montrez ça, les gens sentent l'ampleur. Même ceux qui doivent aider sont poussés parce qu'ils ont vu le degré de la calamité. Certains pêcheurs de Rumonge demandent que la semaine d'arrêt de la pêche observée chaque mois soit supprimée. S'adressant au président du Sénat burundais en visite à Rumonge ce lundi 13 novembre, ces pêcheurs ont expliqué que cette mesure ne concerne que le Burundi parmi les pays se partageant le lac Tanganyika et visiblement pour des intérêts de certains Burundais. Emmanuel Sinzo Hagera, président du Sénat burundais, promet de soumettre la question au ministre concerné. Jean-Pierre Misago a suivi pour nous ces échanges. Voici son reportage. Selon certains pêcheurs qui se sont exprimés devant le président du Sénat burundais, la semaine d'arrêt de la pêche dans le lac Tanganyika chaque mois, prétextant que c'est pour permettre aux poissons de pouvoir se reproduire, n'est appliqué qu'au Burundi, parmi les quatre pays se partageant les eaux du lac Tanganyika. Pour ceux qui se sont exprimés, cette raison évoquée n'est pas fondée. Ils expliquent qu'il s'agit plutôt d'un moment bien choisi par certains Burundais qui n'ont pas voulu nommer publiquement pour importer des pays voisins, surtout la République démocratique du Congo, du poisson qu'ils vendent sur le marché burundais à des prix élevés. C'est qui se sont exprimés demandent au Sénat burundais de plaider en leur faveur pour la suppression de cette mesure qui ne profite qu'à une poignée de gens. Emmanuel Sinzo Hagera, président du Sénat burundais, dans une descente à Rumonge ce 13 novembre 2023 pour recueillir les doléances des pêcheurs et transporteurs de personnes et de marchandises via le lac Tanganyika, a permis de soumettre cette question et bien d'autres évoquées au ministre concerné. Le président du Sénat burundais conseille cependant les pêcheurs de penser à d'autres activités génératrices de revenus qui pourraient les aider à subvenir à leurs besoins à l'absence de la pêche. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal, des habitants du quartier Winherekwa, proche du ruisseau Tchari en zone Guiocha, disent qu'ils vivent dans la peur panique d'être victimes d'autres dégâts occasionnés par les crues de ce ruisseau pendant cette saison pluvieuse. Ils demandent aux autorités habilitées de protéger ce cours d'eau, surtout que l'Ijebu a déjà prévenu qu'il y aura de fortes pluies pendant cette saison. Suivez-les. Je dirais qu'au début, cette rivière, c'est une très petite rivière, bien en caniveau. Donc, on pouvait marcher deux pas, on avait traversé. Mais maintenant, on trouve que c'est trop profond, on ne peut pas sauter comme ça. Donc, on demande au ministère des infrastructures de venir nous aider parce qu'on a peur. On a peur pour nos familles, on a peur pour les enfants, et puis pour les élèves, tout ça. Donc, on demande de l'aide et c'est urgent. On a vu des morts, beaucoup de maisons ont été détruites. C'était vraiment horrible. Il y a beaucoup de gens qui ont été emportés par ce ruisseau et des maisons qui ont été inondées et envahies. Alors pour moi, je trouve que les autorités habilitées devraient se rendre sur terrain et constater ce qui doit être corrigé pour stabiliser les berges de ce ruisseau. Franchement, nous avons peur que des dégâts pourraient encore une fois se répéter. Il y a des enfants, des adultes et d'autres maisons qui sont à risque. Il y a beaucoup de problèmes causés par cette petite rivière qui s'appelle Tchari. Nous voyons vraiment qu'il y a beaucoup de dégâts causés par cette rivière. Mais il y a encore une occasion de construire à l'aide des caniveaux. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités du pays à venir nous aider. Souvenez-vous que cette rivière a causé beaucoup de dégâts. Les maisons ont été envahies. Et nous demandons à l'État de venir faire l'intervention si rapide, parce que nous avons peur. Infrastructure toujours, les bouchers opérant sur l'abattoir de Ruziba en mairie de Bujumbura plaident pour l'accélération des travaux de finalisation de cet abattoir moderne. Ils déplorent l'état d'insalubrité sur le site provisoire en plus de débordements des eaux de la rivière Mugere. L'administrateur communal de Mouha explique qu'il s'agit d'un abattoir provisoire en attendant la reprise des activités par la société Luboko. Dévote Ndaï Senga entend soumettre la question au Fonds national d'investissement communal qui a financé le projet Placide Niomongere. Ce site provisoire se trouve dans la partie droite du pot de la rivière Mugere sur la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge. Sur ce terrain, les chèvres et vaches sont abattues à même le sol sous la protection de leur peau. Les bouchers trouvés sur place déplorent que le sang et d'autres restes des animaux abattus dégagent une odeur désagréable et constituent des déchets. Du sang et des restes des viscères sont entassés ici et là sous une pluie. On les piétine toujours. Ces animaux sont abattus ici même. Qu'on nous cherche une autre place. Ces professionnels de la viande ajoutent qu'en plus des immondices, la boue charriée par des débordements des eaux de la rivière Mugere limite toute initiative de propriété. C'est très difficile de faire la propriété car l'eau coule sur ce terrain. Nous payons régulièrement des taxes municipales qu'on pense à l'abattoir bien entretenu. Alexandre Bazomora, responsable des bouchers de l'abattoir de Ruziba, déplore quant à lui l'état des choses sur le site provisoire et regrette que même les travaux de construction de l'abattoir moderne sont au point mort sans même donner des explications convaincantes. Ça serait important si on clôture rapidement la construction de ces abattoirs modernes ou enlever la boue qui s'y trouve suite aux inondations. On ne sait pas si le projet a été abandonné ou pas. Face à cette situation, Devote Ndaï Senga, administrateur communal de Mouha, explique que les travaux de finalisation de l'abattoir ont été bloqués par la société qui a gagné le marché, qui ne veut pas mieux donner les raisons valables de la suspension de ces constructions. Ces constructions de nouveaux abattoirs n'ont pas été encore clôturées à temps. Le marché avait été attribué à une personne morale. Nous lui avons adressé plus de 3 correspondances pour savoir les causes réelles de la suspension de ces travaux sans réponse convaincante. Nous allons saisir le FONIC pour que cette société finalise rapidement ce chantier. Ça facilitera la tâche à ses bouchers. De notre passage sur le site du chantier d'abattoir de Ruziba, implanté dans l'embouchure de la rivière Mugere, entouré également des champs de maïs et de manioc, la population estime que ce projet, monté à base de 500 millions alloués aux communes, a été oublié car rien ne fait signe de la poursuite de ces constructions gardées aujourd'hui par un sentinelle. Placide Niyomongere. Et en bref, 4 personnes mortes, 47 maisons détruites, 1000 hectares de champs de différentes cultures détruits dans la vallée de la rivière Mourembgué. Tel est le bilan des dégâts occasionnés par des aléas climatiques depuis septembre 2023. La coordination de la plateforme provinciale de la protection civile et de la gestion des catastrophes à Rumongue, qui dresse ce bilan, indique que leur intervention se limite au premier secours. Un rapport est ensuite envoyé à la plateforme nationale car il n'y a pas de fonds y afférents au niveau provincial. Alors que les habitants du sud de la ville de Rumongue alertent déjà contre l'avancée des crues de la rivière Mourembgué, l'administrateur communal de Rumongue dit que c'est le curage de ce cours d'eau qui viendra résoudre ce problème. Ejide Ndaisenga, qui était directeur de la radio Bonesha FM, n'est plus de ce monde. Depuis la nuit de ce lundi, marié, il quitte ce monde à 35 ans. Ejide a fréquenté l'université du Burundi dans la section gestion de l'Institut supérieur de commerce. Que la terre lui soit légère. Et en actualité africaine, au Libéria, près de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mardi pour le second tour de la présidentielle. Le président sortant George Weah brigue un second mandat et face à lui un routier de la politique libérienne, Joseph Boakai. Même scénario qu'au second tour de la présidentielle de 2017 et les résultats du premier tour du 10 octobre dernier étaient serrés. Deux facteurs pourraient avoir une incidence sur le scrutin, la participation des électeurs et le choix des quelques 114 000 voix invalidées au premier tour en raison d'une erreur sur leur bulletin de vote. Et l'Union européenne est atterrée face aux témoignages crédibles faisant état de plus de 1000 morts en un peu plus de 2 jours au Darfour, dans l'ouest du Soudan, dans le cadre de ce qui semble être une campagne de nettoyage ethnique. Déclenchée le 15 avril, la guerre entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo, a fait plus de 9000 morts selon une estimation de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project. Radio Isanganiro, chronique santé. La vasectomie est une méthode de stérilisation masculine qui consiste à couper et bloquer de façon définitive les différents canaux transportant les spermatozoïdes. Explication du docteur Donavin Wimana, expert en santé sexuelle et reproductive, qui précise que l'opération n'est pas douloureuse. Cette méthode concerne les couples ou les hommes mariés qui ne veulent plus faire d'enfants. Orne Lamoucho. La vasectomie est une opération utilisée comme méthode de stérilisation masculine, appelée aussi contraception. Docteur Donavin Wimana, expert en santé sexuelle et reproductive, tranquillise que cette méthode n'est pas du tout douloureuse. Elle consiste en ligature des canaux différents. Ce sont des petits canaux qui conduisent les spermatozoïdes à l'extérieur. Donc, c'est une petite opération qui dure 10 à 20 minutes et qui permet à l'homme de ne plus concevoir. La méthode ne fait pas mal parce que c'est une procédure très facile qui se fait sous anesthésie locale et qui dure 10 à 20 minutes en moyenne. Et après l'opération, la personne peut retourner à la maison. On lui demande de ne pas, par exemple, rouler à vélo ou soulever des choses très lourdes, mais en général pendant 3 jours. De faire aussi une abstinence pendant 3 jours. Puisqu'elle est définitive, il y a le temps accordé et conseil donné avant d'adhérer à cette méthode. C'est une méthode qui est définitive, qui doit se faire justement volontairement. Donc le consentement écrit nous permet justement de savoir que la personne a eu toutes les informations, que la personne a été informée sur les autres options de méthodes contraceptives disponibles et qu'elle a aussi discuté avec sa conjointe et qu'elle a choisi volontairement la vasectomie, mais de manière éclairée. La stérilisation apportée par la vasectomie n'est obtenue qu'après un délai de 2 à 3 mois après l'intervention. Après l'intervention, justement, on fait un contrôle, on fait un examen qu'on appelle spermogramme. qui nous permet de voir justement que tous les spermatozoïdes sont sortis, donc qu'il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme. Et pendant les 3 mois après l'intervention, on recommande, on explique justement cela à l'homme qui a fait la vasectomie et on recommande au couple d'utiliser une méthode complémentaire, soit le préservatif ou alors la femme peut utiliser en attendant le contrôle. Après 3 mois, quand on fait le contrôle, là on peut voir si que la vasectomie a réussi. Donc c'est prouvé par l'absence de spermatozoïdes dans le sperme à l'examen de spermogramme. La vasectomie est conseillée chez les hommes mariés, contrairement aux jeunes garçons. On leur présente toutes les méthodes disponibles, que ce soit les méthodes de courte durée d'action, les méthodes de longue durée d'action et les méthodes définitives. On leur explique comment chaque méthode marche, quels sont les effets secondaires et quelles sont les recommandations. En général, pour les jeunes hommes qui n'ont pas encore procréer et ils peuvent utiliser les autres méthodes, donc y compris les méthodes de longue durée, pour que la vasectomie soit une méthode qui sera choisie une fois qu'ils auront bien réfléchi et qu'ils auront eu des enfants qu'ils désirent et qui ne désirent plus d'enfants. D'autres explications en rapport avec la vasectomie seront précisées dans notre prochaine chronique santé avec l'expert en santé sexuelle et reproductive. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douiman.